إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on continue dans notre cours dans l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah, et on continue donc la lecture des explications des ulama de ce livre, hein, et on a appris de plusieurs ulama qui ont clarifié et fait des commentaires sur ce livre. On est arrivé donc au cours 45 et aujourd'hui donc on continue avec les paroles de l'imam Ibn Abi Zamanain. Ibn Abi Zamanain, on a lu ses paroles dans les cours précédents où il a parlé de Al-Imanu bil Kursi wa al-Arsh. Donc il a parlé de la foi en le pose-pied, Al-Kursi, et il a parlé de la foi en le trône, Al-Arsh, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a parlé de l'attribut de An-Nuzul, c'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier des cieux. Et maintenant, il parle de façon générale de qu'est-ce qu'il a dit auparavant, c'est-à-dire la foi en les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, Cheikh al-Islam, il cite l'imam Ibn Abi Zamanain, et il dit: وقال قبل ذلك في باب الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما، والعجز عن ما لم يدع والعجز عن ما لم يدع إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, donc avant cela il a mentionné le chapitre au sujet de la foi en les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses noms. Et il dit à ce sujet-là, l'imam Ibn Abi Zamanain: sache que les hommes de science qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont la science d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qui a été ramené par ses prophètes et ses messagers, ils considèrent l'ignorance de ce que, c'est-à-dire ils considèrent que si quelque chose Allah subhanahu wa ta'ala il n'en a pas parlé à propos de sa personne, donc d'ignorer ce qu'il n'a pas dit à propos de lui-même, c'est de la science. C'est la façon dont le cheikh il le formule, en voulant dire que si tu ignores les choses que les gens de Bid'a ont inventées pour décrire Allah, tu ignores ce que les gens de Bid'a ont inventé comme description pour décrire Allah, ça c'est, en réalité, c'est pas de l'ignorance, c'est de la science. Pourquoi? Parce que d'ignorer ce qui n'est pas bon, c'est bon. C'est comme si en fait tu ignores cette fausseté. Donc c'est de la science en fait. Voilà. Donc si tu l'ignores, t'es pas ignorant. En fait, c'est ça d'être un savant, c'est de savoir t'arrêter là où Allah s'est arrêté en ce qui concerne sa personne et ses noms et ses attributs. Si tu te limites à ce que Allah a dit, et ce que ses prophètes et ses messagers ont dit à propos de Allah, ça c'est la science. Si tu ignores les choses qui ont été rajoutées ou inventées, que Allah n'a pas révélées ni son messager, ça c'est de la science, ça, c'est pas de l'ignorance. Il dit والعجز عن ما لم يدع إليه إيمانا, c'est-à-dire si tu te sens incapable de comprendre ou de rentrer dans ce que Allah n'a pas dit et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit au sujet d'Allah et de ses noms et de ses attributs, alors ça c'est de la foi. Si tu te sens incapable de comprendre ou de rentrer dans ce que Allah et son messager n'ont pas appelé les hommes à suivre ou à croire, ça c'est de la foi. Et il dit qu'à propos des messagers d'Allah, ils se sont uniquement arrêtés dans la description d'Allah et de ses noms et de ses attributs à ce qui a été mentionné dans son livre et par la langue de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça leur méthodologie. Ils se sont arrêtés dans la description d'Allah par ses attributs et ses noms, là où le livre s'est arrêté, et à la langue de son messager, de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit يعني أنهم يقفون عند هذا الحد فيثبتون ما أثبته الله لنفسه وينفون عنه ما نفاه عن نفسه وينتهون إلى حيث انتهى الكتاب والسنة ولا يزيدون. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils s'arrêtent à cette limite-là. Ils affirment ce que Allah a affirmé et son messager. Et ils nient ce que Allah a nié et ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a nié à propos d'Allah. Si c'est affirmé, on l'affirme. Si c'est nié dans les textes, on le nie. Et ils s'arrêtent là où le livre et la sunna, le Coran et la sunna se sont arrêtés, ils s'arrêtent. Et ils ne rajoutent rien d'eux-mêmes. Ils ne rajoutent rien d'eux-mêmes dans qu'est-ce qui a rapport avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est cette parole. Puis ensuite, il y a des commentaires à lire à ce sujet. Parmi les commentaires, le commentaire de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz. Il dit قال سماحة الشيخ رحمه الله وهذا هو البصيرة وهذا هو الحق وهذا هو مقتضى العقل السليم والجهل بما لم يخبر به علم والعجز عن إدراك ذلك هو حقيقة التي يجب أن يقر بها العبد وأنه عاجز لا يعلم عن ربه إلا ما جاءت به النصوص ولا يستطيع أن يقول عن ربه سوى ما جاءت به النصوص فالجهل بما لم يخبر به عن نفسه هو العلم في الحقيقة وأن يقول العبد لا أعلم الله أعلم لا أدري عن هذا إنما نعلم ما جاءت به النصوص ودلت عليه النصوص فنصف الله بها وما أخبر به عن نفسه ونسكت عما سوى ذلك فهذا هو العلم وهذا هو مقتضى الإيمان العجز عن إدراك ما لم يخبر به هو الإيمان الصحيح أما التكلف ودعوى أشياء ما أنزل الله بها من سلطان فهذا هو الجهل. شيخ بن باز يكسبليك كيسكو الإمام ابن أبي زمانين أفولو دير. Il dit, c'est ça la compréhension de la religion, c'est ça la vérité. Et c'est ça qui est impliqué. Il y en a pour une personne qui a une raison qui est propre et saine. Et l'ignorance de ce que Allah n'a pas dit, ou de ce qu'il ne nous a pas informé, c'est de la science en réalité. C'est ça la science. Il y a un des mutakallimin que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a cité au début du livre, qui disait والعجز عن الإدراك إدراكه والعجز عن الإدراك إدراكه, C'est-à-dire de savoir que tu ne peux pas l'atteindre, c'est ça que, c'est, en fait, de savoir que tu ne peux pas comprendre, c'est ça la compréhension. De savoir que tu ne peux pas comprendre, c'est ça la compréhension. Tu vois, c'est comme dans le sens que de savoir que s'il y a une limite et que tu ne peux pas la dépasser, en réalité, quand tu as compris ça, c'est là que tu as compris. Et accepter, c'est ça. Accepter que tu ne peux pas comprendre Allah subhanahu wa ta'ala par ta propre tête, ta propre logique. Essayer de quand tu as compris ça, c'est là que tu as compris. وَالْعَجْزُ عَنِ الْإِدْرَاكِ إِدْرَاكُ. Donc, ça c'est un des poèmes que les mutakallimin ont mentionné. Pour montrer qu'ils ont cherché, ils ont essayé de décrire Allah, ils ont essayé de parler à propos d'Allah avec leur philosophie et leur logique. Et après des années et des années et des années d'études et de recherches dans le domaine de la philosophie et de ces questions-là, ils ont finalement compris à la fin qu'ils devaient se limiter au Coran et à la Sunna. Et qu'ils ne pouvaient pas dépasser plus que ça. Et que tout ce qu'ils avaient dépensé comme énergie et temps et gaspillé temps qu'ils avaient pour étudier, ils ont compris qu'à la fin tout ça, ça a été une perte de temps. Et là, je ne sais pas si juste pour vous citer quelques-uns, j'en avais mentionné déjà. Au début du livre. Et là, l'amri, قد طفت المعاهد كلها وصرت أو سي نعم صرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كفا حائر على ذقن أو قارئا سن نادم. Ça c'était الشهرستاني qui a dit ça. Et Al-Razi qui disait: Nihayatu iqdam al-uqul iqalu wa aktharu sa'i al-alamin dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa hasilu dunyana adhan wa wabalu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Tu vois? Oui. C'est pour dire, on a perdu notre temps avec ces histoires de philosophie et de logique. À la fin, on n'a rien appris de plus et on a réalisé que c'était de l'égarement. Tu vois? Puis, donc c'est pour dire que la plupart de ces philosophes, à la fin de leur vie, et de ces penseurs, à la fin de leur vie, se sont repentis d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Il dit: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه. والآن لم يتداركني ربي برحمة إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان وأنا وها أنا أموت على عقيدة أمي. J'ai fait tout ce qu'on m'avait dit de pas faire. J'ai été dans les histoires de philosophie. J'ai rentré dans la dialectique, dans toutes les philosophies, la logique et tout. Et à la fin, si Allah il ne me fait pas miséricorde, il y a ni malheur à moi. Et me voilà qui meurt sur la aqida de ma mère. Comme si en voulant dire, je reviens à la base, à la source, de me limiter à ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna. Et de ne pas dépasser ce qui est dans les textes. Ça c'est Imam al-Haramayn, al-Juwayni. Et al-Ghazali, il disait: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. Ceux qui doutent le plus au moment de la mort, c'est les gens de kalam, c'est-à-dire les gens de la philosophie. Ils meurent sur le doute, ils ne meurent pas dans la certitude, parce qu'ils n'ont pas pris la science de ses sources. Il y en a d'autres comme ça, comme celui que je disais, Cheikh Mohamed Aman al-Jami, il le cite souvent ça. وَالْعَجْزُ عَنِ الْإِدْرَاكِ إِدْرَاكُ. À chaque fois, je me rappelle de cette parole-là parce que il le répète souvent. Donc il dit, Cheikh Ibn Baz, il continue l'explication. Il dit, donc si tu as compris que tu n'es pas capable de comprendre certaines choses, c'est en réalité qu'est-ce que le serviteur est obligé d'affirmer et de comprendre. parce qu'il est incapable de comprendre son Seigneur excepté par qu'est-ce qui est venu par les textes du Coran et de la Sunna, et il est incapable de dire quoi que ce soit à propos de son Seigneur excepté ce qui est mentionné et venu dans les textes du Coran et de la Sunna, et il n'est pas capable de dire à propos de son Seigneur quoi que ce soit excepté ce qui est écrit dans les textes. Donc l'ignorance de ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit à propos de sa personne, à propos de ses attributs, c'est en réalité, c'est ça la science. Et que le serviteur dise à propos de ce qu'il ne sait pas, je ne sais pas, Allah sait mieux, ou je ne sais pas à propos de ce sujet, de cette question, ça c'est la science. De dire je ne sais pas, c'est ça la science, subhanallah. Les ulama ils ont dit قول الإنسان لا أدري نصف العلم, c'est la moitié de la science. De dire je ne sais pas, c'est mieux que tu dises je ne sais pas que tu commences à philosopher ou à parler sans science à propos d'Allah et de son messager, hein, à propos des attributs et des noms d'Allah et de la religion en général. Après il dit إنما نعلم ما جاءت به النصوص وما دلت عليه النصوص. Le mot nusus, c'est le pluriel du mot nas, nasun. Et un nas, c'est le texte explicite et clair qui est tiré du Coran et de la Sunna. Nas, nasun. Le pluriel, c'est nususun. Et un nusus, c'est les textes clairs et explicites du Coran et de la Sunna. Naam. Alors il dit, fa nasifullah biha. Donc, il dit le cheikh, donc on décrit uniquement et on sait uniquement à propos d'Allah ce qui est indiqué par les textes. Et on décrit Allah par ses textes. Et selon ce que Allah nous a dit à propos de sa personne dans ses textes. Et on se tait de ce qui est en dehors de ça. Et c'est ça la science. Et c'est ça qui est impliqué par la foi. C'est-à-dire le vrai croyant, c'est comme ça qu'il doit agir. Et d'être incapable de comprendre ce que Allah n'a pas dit, c'est-à-dire de rentrer dans les exemples de qu'est-ce qui sort du Coran et de la Sunna, et d'être incapable de comprendre, tu dis je comprends pas ce que les philosophes ou ce que les gens de Bid'a disent à propos d'Allah quand ils parlent selon ce qui n'est pas dans les textes, eh bien c'est ça en réalité qui est la foi correcte. Donc si tu dis, ah mais j'ai lu les livres des philosophes, ou des gens de Kalam, ou des Mutakallimin, ou des gens de Bid'a qui parlent à propos de l'islam, et qui parlent à propos d'Allah, puis j'ai rien compris, eh bien sache que si tu n'as rien compris, ça veut dire, ça c'est ça ce qui est normal. Et c'est ça ce qui est la foi. Hein? Mais si tu commences à essayer de comprendre, et à rentrer dans leurs égarements, c'est là que tu risques par la suite de tomber dans l'égarement. Le cheikh il dit, en ce qui concerne le fait d'essayer de se forcer à rentrer dans ce que Allah et son messager n'ont pas révélé, et de prétendre des choses que Allah n'a, au sujet desquelles Allah n'a fait descendre aucune preuve, eh bien ça c'est l'ignorance. Ça c'est l'ignorance. Et donc, après avoir dit ça, l'imam Ibn Abi Samanin, il cite les preuves du Coran et de la Sunna à propos des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer comment Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de sa personne et comment il s'est décrit lui-même. Donc il dit وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et c'est lui le plus véridique de ceux qui disent, de ceux qui parlent, il dit كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. Ça c'est le verset 88 dans Sourate Al-Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, toute chose va périr excepté son visage. Toute chose périra excepté son visage. C'est-à-dire que yani, toute chose va périr sauf Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin des temps, à la fin du monde, il va faire tout disparaître, il va faire détruire tout, hein, et il va dire où sont les rois aujourd'hui. Il n'y aura plus rien sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, non. Donc, ça c'est le verset 88 dans Sourate Al-Qasas qui dit Kullu shay'in halikun illa wajhahu. Tout va périr, tout périra excepté son visage. Si son visage reste, ça veut dire que Allah va rester. Hein? Parce que les gens de Bid'a, ils veulent toujours essayer de jouer avec les versets d'Allah. Et donc, nous, on affirme, si on dit que Allah, il a affirmé que son visage va demeurer, c'est-à-dire qu'il va demeurer lui-même. Tu vois, sa personne. Mais on affirme à Allah que Allah a un visage tel qu'il s'est décrit lui-même. Et que son visage ne ressemble pas au visage des créatures. Après, il dit, وَقَالَ تَعَلَى قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. Donc, il dit, قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً. Quelle chose est un plus grand témoignage? Dit Allah. Allah est témoin entre moi et vous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il se décrit comme étant témoin. Ensuite, le cheikh, il cite un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ça est le verset, قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ, le verset 19 dans sourate Al-An'am. Et le verset ensuite, c'est ويحذركم الله نفسه, le verset 28 dans sourate Al Imran. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous avertit de sa personne. Allah subhanahu wa ta'ala vous avertit de sa personne. Et il dit dans un autre verset, ça c'est le verset 28 dans sourate Al Imran, le verset suivant c'est le verset 29 dans sourate Al Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Et une fois que je l'aurai formé, bien modelé, bien formé, en parlant de Adam alayhi salam, quand il le crée à partir de la terre, et lorsque je l'aurai bien formé, et que j'aurai soufflé en lui mon âme, que j'aurai soufflé en lui mon âme, de mon âme. Ensuite, il cite un autre verset. قال فإنك بأعيننا. C'est le verset 48 dans sourate At-Tur. Car tu es sous nos yeux. Car tu es sous nos yeux. En parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sourate At-Tur. فإنك بأعيننا. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Ibn Baz, à propos de ça? Il y a une question qui a été posée. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَالْإِسْمَاعِ عَلَىٰ عِلْمِ. Soual. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَالْإِسْمَاعِ عَلَىٰ عِلْمِ. أَجَابَ سَمَاحَتُهُ هَذَا وَاضِحْ. يعني بِمِرْأَنْ مِنَ اللَّهِ ومسمع منه تعالى وهو الذي جل وعلا سيجبره ويسهل له أمره وفيه إثبات العين ولا يعني لا يقال هذا من لا عين له ولا سمع له ولا بصر له لا يقال هذا من لا عين له ولا سمع له ولا بصر فالسفينة تجري بعينه يعني برعايته سبحانه وتعالى وفيه إثبات العين ولتصنع على عيني لأنه ربي ربي على عينه سبحانه وتعالى يعني بتوفيق الله لمن رباه حتى صار في أحسن حالة على يد أعدائه ومع ذلك فيه إثبات العين لله عز وجل وجاءت. نعم. Donc ici là le cheikh il explique par rapport au verset فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. Il y a des gens qui disent, comme par exemple tu es sous notre regard, hein, c'est-à-dire sous notre regard, sous notre protection, on te voit et on t'entend. Donc ça c'est quelque chose de cher, il dit ça c'est clair, que Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit et il l'entend. Et c'est dans le sens aussi qu'il va lui faciliter ses affaires, hein, il va le préserver. Hein. Donc, et en même temps, c'est une affirmation que Allah subhanahu wa ta'ala a des yeux. Hein, que Allah subhanahu wa ta'ala a des yeux. Celui qui n'a pas de yeux, qui n'a pas de d'ouïe, qui n'a pas de vue, il ne dit pas ça. Il ne dit pas sous notre regard. Donc, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a des yeux. Et il dit, فَالسَّفِينَةُ تَجْرِي بِعَيْنِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans, à propos de l'arche de Noé, تَجْرِي بِعَيُنِنَا. Hein, qui vogue sous nos yeux. Donc, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala la suit, comme s'il suit le cheminement de l'arche. Il la protège. Hein. Mais en même temps, il y a l'affirmation du fait que Allah a des yeux. Le fait que de dire que Allah, quand il dit qu'il le regarde et que ça se produit sous ses yeux ou qu'il voit cette chose-là, c'est vrai que ça veut dire aussi qu'il la protège, hein, et qu'il s'en occupe. Mais ça ne nie pas qu'il a l'attribut d'avoir des yeux aussi. Tandis que les gens de Bid'a, ils essaient de déformer, d'utiliser l'interprétation du verset pour nier l'attribut. Et ça, c'est ça qui n'est pas correct. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu dis que le verset veut dire l'attention d'Allah subhanahu wa ta'ala, son regard et sa protection, que ça veut dire qu'il n'a pas de yeux. Hein? Et donc, nous, on affirme qu'Allah a des yeux, tel qu'il l'a dit lui-même. Et les gens de Bid'a, eux, ils vont dire, oui, mais si on dit qu'il a des yeux, ça implique ci, ça implique ça. Ça, c'est qu'est-ce que toi, tu as imaginé. Nous, on ne rentre pas là-dedans. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'est-ce que Allah a dit, puis on s'arrête là. Et on n'essaie pas d'imaginer comment sont les yeux d'Allah. Et essayer de savoir comment ils sont. Est-ce que... Hein, ça, si tu rentres dans le comment, c'est certain que tu vas t'égarer. Et c'est pour ça que les gens de Bid'a, ils ont dévié à ce sujet-là, parce qu'ils ont essayé d'imaginer le comment à propos des yeux, à propos des mains, à propos des, hein, du regard, à propos de la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Quand tu dis le comment, ça veut dire que tu vas essayer de comparer par rapport à une créature. Et que, à propos, oui, exact. À propos de quelque chose qui est déjà créé. Et tu peux pas imaginer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Allah. Il n'y a rien qui lui ressemble. Donc, si tu t'écartes du comment, tu vas pas tomber dans l'égarement. Mais si tu commences à essayer d'imaginer ou de rentrer dans le commun, c'est là que tu vas t'égarer. Et c'est là que les gens de Bid'a se sont égarés, eux, comme les Asha'ira, les Maturidiya, les ceux qui ont dévié avant eux, les Mu'tazila et les Jahmiya, parce qu'ils ont essayé de dire que si tu affirmes qu'est-ce que Allah a dit, ça implique une ressemblance entre le Créateur et la créature. Donc nous, on dit non, en partant, il n'y a pas de ressemblance. Mais parce que vous avez essayé d'imaginer et de comparer le Créateur à la créature, vous êtes tombé dans la négation par la suite. Vous avez dit, bon, dans ce cas-là, ça veut dire que Allah, il n'a pas de yeux. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de ses yeux, il parle de ses yeux dans le Coran, il utilise le terme Ayn. Hein? A'yun, ça c'est les yeux. Il utilise le regard. Hein? Yanzur. Hein? Yanzur. Un nazar, donc ça veut dire le fait de voir. Hein? Il dit à propos de certaines créatures au jour de la résurrection, certaines personnes, il dit, voilà yanzuru ilayhi, voilà yanzuru ilayhim yawm al-qiyama. Allah ne va pas les regarder au jour de la résurrection. Voilà yuzakihim, il ne va pas les purifier. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ils auront un Dieu châtiment. لَا يَنْظُرُوا إِلَيْهِمْ. Quand il dit il ne va pas les regarder, ça veut dire qu'il y a un regard, qu'il regarde. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala. Et il utilise le terme ra'a, yara. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le terme, le verbe ra'a. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous deux, avec Moussa et Haroun. Je suis avec vous deux. Asma'u, j'entends, wa ara, et je vois. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de la vue, et il voit. Hein, ça fait partie de ses actions. Et il utilise aussi le terme al-basar, qu'il a une des attributs qui est al-basar, wa huwa al-basir. Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-basir, wa huwa al-sami'u al-basir. Il est l'audient et le voyant. Donc il a parmi ses attributs al-basar, ça veut dire qu'il a la vue. Ça, c'est une de ses attributs. Donc, tous ces versets-là, et ces verbes-là, et ces termes-là sont employés pour décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous, on décrit Allah tel qu'il s'est décrit lui-même. Mais on ne rentre pas dans la description de comparaison entre le Créateur et la créature, ou la ressemblance, comme le tashbih, ou le tamthil, ou bien de chercher à savoir le commun des attributs d'Allah. On s'arrête là où Allah s'est arrêté et là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet qu'il n'était pas a'war comme le Dajjal. Il a dit le Dajjal il est a'war, il est borgne, il ne voit que d'un seul œil. Tandis que Allah, il a dit votre Seigneur, il n'est pas a'war. Et les ulama ont tiré de ça que c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il a deux yeux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux yeux. Il n'est pas bon comme le Dajjal. Hein? Mais les deux yeux d'Allah ne sont pas comparables à ceux des créatures. Et il ne faut pas essayer de les imaginer. Et il ne faut pas utiliser l'interprétation des versets pour essayer de penser que c'est une négation de l'attribut. D'accord ? Donc il dit, « وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي » pour qu'elle soit construite sous notre regard, sous notre œil. Et ça, c'est le verset 39 dans Sourate Taha. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. Pourquoi il dit le cheikh? Parce qu'il dit il a été éduqué sous l'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire par le succès d'Allah pour celui qu'Allah a éduqué et qu'il a fait grandir. Jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un de la meilleure, dans la meilleure état. صار في أحسن حالة على يد أعدائه. C'est-à-dire, même parmi ses ennemis, il a été bien traité. Et il a été bien éduqué. Alors qu'il était éduqué par ses ennemis. Moussa alayhi salam. ومع ذلك فيه إثبات العين لله عز وجل. Et donc on a fait, malgré ça, il y a là-dedans l'affirmation que Allah il a l'œil, il a l'œil comme attribut. Et dit وجاءت النصوص في قصة الدجال إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور العين اليمنى وفيه إثبات العين وإثبات الرعاية من الله للسفينتي ولموسى عليه السلام. Il s'est mentionné dans les textes que dans l'histoire du Dajjal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit votre Seigneur il n'est pas borgne, et le Dajjal il est borgne de l'œil droit, donc l'œil droit, son œil droit est pas fonctionnel. Donc ça c'est la, comme je disais tout à l'heure, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il a deux yeux. Et il dit il y a dans ça l'affirmation de l'œil et l'affirmation du fait que Allah s'occupe lui-même de ce bateau, de cette arche et de Moussa alayhi salam dans les différents versets. On lit tous na'a ala aini, ça c'est le bateau de Nuh alayhi salam. Et il dit fa innaka bi'ayunina, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tajri bi'ayunina, ça c'est le bateau Inni ma'akuma asma'u wa ara. Ça c'est Moussa. Et puis il y a beaucoup d'autres exemples comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne. Il dit aussi ithbatu sifat al-istihza. فأجاب سماحته يستهزئ بهم ويمكر بهم كما فعلوا مكر بحق واستهزاء بحق يوصف به سبحانه سبحانه وتعالى. فالمذموم الاستهزاء بالباطل والمكر بالباطل، وأما استهزاؤه بهم ففي مقابل استهزائهم لما استهزأوا استهزئ بهم ومكر بهم وكيد وخدع وهو بحق ويوصف به لأنه وصف حق وصف حق يوصف به سبحانه على الوجه اللائق به جل وعلا. Ils ont posé la question au Cheikh Ibn Baz à propos de l'attribut du fait de se moquer que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit comme dans Surat Al-Baqarah au début, dit Allahu yastahzi'u bihim, Allah se moque d'eux. Donc est-ce qu'on décrit Allah subhanahu wa ta'ala avec l'attribut de la moquerie, hein, ou de se moquer? Donc Cheikh Ibn Baz il a répondu à ce sujet là il a dit il se moque d'eux et il ruse contre eux comme eux ont essayé de le faire, ont voulu le faire, comme eux ils ont essayé de se moquer d'Allah et de se moquer des croyants. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala les punit en se moquant d'eux aussi, de son côté. Hein? Mais c'est une ruse de sa part, un complot de sa part et une moquerie de sa part qui est faite en vérité. C'est-à-dire en toute vérité, dans le sens que c'est pas fait pour des raisons fausses ou pour de la fausseté, mais c'est fait en vérité. Hein? Et donc, on doit accepter de décrire Allah subhanahu wa ta'ala par ces attributs-là. Qu'est-ce qui est mauvais de l'istihza? Oui, c'est ça. Il dit l'istihza quand elle est faite de façon fausse ou quand on fait des complots pour la fausseté, c'est ça qui est blâmable. Mais de se moquer d'eux par rétribution, hein, par rapport à leur moquerie, lorsqu'ils se sont moqués, on s'est moqué d'eux. Hein, ils se sont moqués, on s'est moqué d'eux. Ils ont fait des complots, on leur a fait un complot pour répondre à leur ruse et à leur moquerie. Et à leur complot aussi. Ils ont trompé, hein, et bien Allah subhanahu wa ta'ala les ont trompés pour les punir. Donc, comme les ulama ils disent souvent, al-jaza'u min jins al-amal. Al-jaza'u min jins al-amal. C'est-à-dire que la rétribution correspond toujours à l'action. Si quelqu'un. Il s'est moqué des autres dans le faux, Allah subhanahu wa ta'ala se moquera de lui en vérité, hein, parce que c'est quelque chose qu'il mérite, hein, il le fait pas contre eux yani sans qu'il l'ait mérité. Wa huwa bihaq wa yusafu bihi li'annahu wasfun haq. Donc on l'attribue, cet attribut à Allah, mais de la manière qui lui convient. Et il faut savoir que de la façon dont Allah le fait, c'est une perfection. Dans son sens, c'est une perfection. Même si pour certaines créatures, quand eux ils le font, c'est un défaut. Quand on dit de quelqu'un qu'il se moque ou qu'il complote ou qu'il ruse, mais la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala le fait, c'est une perfection pour lui, hein? Et c'est quelque chose qui est fait d'une manière qui ne contient aucune imperfection ou défaut ou faillance ou il n'y a pas d'injustice dedans, tu vois? Parce qu'Allah ne fait d'injustice à personne. Ensuite le cheikh il continue à citer d'autres exemples et d'autres versets dans les paroles de l'imam Ibn Abi Zamanayn. Il dit à la suite de ça, وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِ, le verset 39 dans surat Taha, et le verset 64 dans surat Al-Ma'ida, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Donc le verset qui signifie les juifs ont dit la main d'Allah est fermée, c'est-à-dire ils traitent Allah d'avarice, ils traitent Allah subhanahu wa ta'ala d'avarice, et Allah subhanahu wa ta'ala répond en disant que leurs mains soient fermées et qu'ils soient maudits pour ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire que leurs mains à eux soient fermées, c'est-à-dire qu'ils, eux, que eux soient des avares, hein, et qu'ils soient maudits pour qu'est-ce qu'ils ont dit. Et tu vois qu'actuellement, pour de vrai, yani, ils sont devenus maudits. Ils sont devenus maudits à cause de qu'est-ce qu'ils ont dit à propos d'Allah, et ils sont devenus avares. Et tu vois que parmi les peuples les plus avares, tu trouves, hein, le peuple des Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont traité Allah d'avare. Et Allah démentit ce qu'ils disent en disant bal yadahu mabsutatan. Au contraire, même ses deux mains sont grandes ouvertes. Et il donne comme il veut. Yunfiqu, il dépense de ses biens, de ses richesses, comme il veut. Et les richesses d'Allah sont tellement grandes et tellement vastes que elles ne s'épuisent jamais. Comme dans le hadith, le grand hadith qui dit لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فطلب كل واحد منهم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فطلب كل واحد منكم مسألته ما نقص من ملكه يعني ما نقص ذلك من ملكه إلا كالمخيط الذي إذا أخرج يعني إذا أدخل في البحر وأخرج c'est-à-dire quand tu vas prendre une aiguille, tu vas la tremper dans l'océan, qu'est-ce que tu ressors de ça? Quand tu sors l'aiguille, qu'est-ce qui sort avec l'aiguille? Une petite goutte de l'océan. Ben, il dit, ça c'est la comparaison à de ce en quoi diminuerait la richesse d'Allah si tous les hommes, le premier au dernier, de Adam jusqu'à la dernière, et tous les djinns, le premier jusqu'au dernier, ils se réunissaient tous dans une seule place, et que chacun d'entre eux demandait tout ce qu'il désire. Ils demandaient tous en même temps à Allah tout ce qu'ils désiraient, et que Allah subhanahu wa ta'ala donnait à chacun d'entre eux tout ce qu'ils voudraient, ça n'aurait pas diminué le royaume d'Allah, même pas de cette goutte d'eau qui sort avec cette goutte de l'océan. Quand tu trempes une aiguille dans l'océan, qu'est-ce qui en sort? C'est juste une petite goutte d'eau. Eh bien, s'il aurait donné à chaque être humain, chaque djinn, du premier au dernier des hommes, tous réunis en même temps en train de demander qu'est-ce qu'ils veulent, et qu'il donne à chacun d'entre eux ce qu'il voulait, eh bien ça n'aurait même pas diminué son royaume et sa richesse de cette goutte d'eau par rapport à l'océan. Et l'océan c'est immense. Donc imagine une petite aiguille là, tu trempes dans l'océan, tu en sors quelque chose d'infiniment petit. Eh bien, ça, c'est l'exemple de la richesse d'Allah. Donc, il donne de ses richesses comme il veut. Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi comme exemple, un autre verset, pour décrire, en fait, le fait que Allah a des mains. En même temps, ça, c'est pour affirmer que Allah a des mains. Et il a deux mains. Bal yadahu. Yada, ça veut dire lahu yadan. Yadahu, ça veut dire ses deux mains. Donc il a deux mains. Mabsutatan, toutes les deux, elles sont grandes ouvertes. Il dit wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah. C'est-à-dire wal ardu jami'an, c'est-à-dire toute la terre qabdatuhu. Il va en faire une poignée au jour de la résurrection. Al-qabda, c'est une poignée. Donc, qabdatuhu, le ha, c'est le damir, muttasil, qui retourne à Allah. C'est-à-dire, ça veut dire, c'est la poignée d'Allah. Il va prendre la terre, il va prendre la terre entière et en faire une poignée dans sa main au jour de la résurrection. Hein? Et les cieux seront pliés dans sa main droite. Donc ça, c'est pour dire que les cieux et la terre, Allah, il les prend, il les met dans sa main droite. Ça fait comme un grain de sable dans sa main. L'univers entier. Hein? Ça, c'est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? On ne peut même pas l'imaginer, tellement c'est grand. Tellement il est grand, subhanallah. Un autre exemple, ça c'est dans verset 67 dans Surat Az-Zumar. Le verset suivant, wa innani innani ma'akuma asma'u wa ara. Ça c'est le verset tout à l'heure que j'ai mentionné dans Surat Taha, le verset 46. Je suis avec vous deux, j'entends et je vois. C'est-à-dire Moussa et Haroun. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Moussa et à Haroun, allez voir Pharaon. Allez avec lui, allez lui parler, allez lui demander ce que vous voulez lui demander et appelez-le à la foi. Et n'ayez pas peur, hein? N'ayez pas peur, je suis avec vous, j'entends et je vois. Ça veut dire que quand il dit je suis avec vous, pas je suis avec vous dans le sens physiquement, dans le sens qu'il est mélangé avec Adam, avec Moussa et Haroun, ou mélangé avec sa création. Non, il est avec eux dans le sens qu'il les voit et qu'il les entend. Il est avec eux dans sa science. Hein? Il est avec eux dans sa vue, dans son ouïe. Par sa vue et par son ouïe. Du fait qu'il les suit, il les voit, il les entend, il les protège, il les garde, il les préserve. Hein? Et il dit dans le... Ça c'est le verset 36 dans Surat Taha. Le verset 164 dans Surat An-Nisa. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. C'est-à-dire que Allah, il a parlé à Moussa, hein, réellement. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé à Moussa réellement. Donc, une de ses attributs, c'est qu'il a l'attribut de la parole. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle. Et également... Et ensuite, il dit, dans, ça c'est le verset 164 dans Surat An-Nisa, le verset 35 dans Surat An-Nur, Allahu nuru samawati wal ard. Allahu nuru samawati wal ard. C'est le verset 35. Hein? Allah est la lumière des cieux et de la terre. Allah, subhanahu wa ta'ala, est la lumière des cieux et de la terre. Il y a des gens de Bid'a qui ont mentionné ce verset-là. Ils ont mentionné ce verset pour essayer de dire comme si ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il est partout. Parce qu'il est la lumière des cieux et de la terre. Comme les gens de Bid'a qui disent qu'Allah est partout. Ils disent mais pourtant il y a des endroits où il n'y a pas de lumière. Hein? Donc ça veut dire la lumière, elle n'est pas partout, la lumière. Hein? Elle n'est pas partout. Il y a des endroits où la lumière n'entre jamais. Donc, Allah, la lumière d'Allah, c'est pas la lumière comme ça. Là. Ça, c'est la lumière créée. C'est une lumière créée par Allah. Et quand il dit qu'Allah il est la lumière de sur la terre, c'est pas la, il parle pas de la lumière créée. Donc il faut distinguer entre les différentes sortes de lumière. Hein. Comme par exemple la science, c'est une lumière. Donc ça c'est il faut bien comprendre ces choses-là. Le verset 164 dans Surat An-Nisa. Surat 35 dans Surat An-Nur. Allahu nuru samawati wal ard. وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Le verset 255 dans Surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Il est, لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي qui vient de الحيات, c'est-à-dire la vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, هو الحي, il est le vivant. il a al-hayat et il est al-qayyum. Al-qayyum, les ulama ont dit al-qa'im binafsi, c'est-à-dire celui qui n'a besoin de personne et que tout a besoin de lui. Hein? Celui qui a besoin de personne et de rien et que tout a besoin de lui. Et il est le vivant. Et la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas comme la vie de ses créatures. Il y a des plantes qui sont vivantes, il y a des animaux qui sont vivants, les êtres humains sont vivants. Hein? Est-ce que ça veut dire que la vie d'Allah est comparable à la vie des créatures? Non. La vie des créatures est précédée de non-existence. Dans le sens que les êtres humains, avant de naître, avant d'exister, ils n'existent pas, ils ne sont pas là. Les plantes, les animaux, la même chose, sont précédés de néant. Hein? Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le premier et le dernier. Il a toujours existé, il existera toujours. Et sa vie, elle est parfaite. Notre vie, elle n'est pas parfaite. Hein? Elle n'est pas complète. Elle n'est pas entière. Naam. Et il mentionne ensuite un autre exemple, le verset 3 dans Sourate Al-Hadid, qui décrit Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. Le verset 3 dans Sourate Al-Hadid, ça veut dire هو الأول, c'est lui le premier, هو الأول والآخر, il est le premier et le dernier. Il y a le premier, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le dua, أنت الأول فليس قبلك شيء. C'est ça. Non, Al-Qayyum, c'est celui qui se tient par lui-même, qui n'a besoin de rien. Ouais. Tout a besoin de lui, lui n'a besoin de rien, de personne. Il se suffit à lui-même. Ça, c'est une des explications du terme Al-Qayyum. Na'am. هو الأول ليس قبله شيء. C'est lui le premier, il n'y avait rien avant lui. وهو الآخر ليس بعده شيء. C'est lui le dernier, il n'y a rien après lui. De toute façon, ça va venir dans le texte après, Cheikh al-Islam. L'imam Ibn Abi Zamanin, il le mentionne. Il dit donc, il dit ومثل هذا في القرآن كثير. Et ça, il y en a beaucoup dans le Coran. Il y en a beaucoup d'exemples de versets comme ça qui mentionnent les attributs d'Allah. C'est très nombreux dans le Coran. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit et là, Cheikh Ibn Baz, on lui a posé la question سؤال sifatul kalam ذاتية فعلية لله sifatul kalam ذاتية فعلية لله أجاب أصولها ذاتية يقال ذاتي ويقال فعلي لأنه بالاختيار ويسمى ذاتا أو ذاتيا لأنه من صفات الذات ويسمى فعليا لأنه يقع عن المشيئة ويتكلم إذا يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. Donc ici on a posé la question à propos de l'attribut de al-kalam. Allah subhanahu wa ta'ala, une de ses attributs c'est la parole. Et les ulama, ils ont divisé les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce qui est mentionné dans les textes en deux catégories. Les attributs de son être, les attributs de ses actions. Les attributs de son être et les attributs de ses actions. Et les ulama ont dit que l'attribut de la parole, à la base, c'est une attribut qui est une attribut de son être. Et c'est également une attribut d'action. Et c'est quoi la différence entre l'attribut de son être et les attributs de sa création par rapport à cet attribut-là, comme par exemple Al-Kalam, c'est qu'il a toujours eu l'attribut de la parole. Mais il parle quand il veut. Donc c'est une attribut qui est reliée à sa volonté. Et il parle quand il veut. Donc c'est pas comme Al-Yad, par exemple. Al-Yad, c'est une attribut de l'être d'Allah. Elle n'est pas reliée à sa volonté. Al-Ayn, Al-Yad. Hein? Al-Basar, la parole, que parfois il ne parle pas. Oui. Et une preuve de ça, même il y a un hadith qui dit « وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَا رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرُ نِسْيَانٍ » Donc il a, ça c'est un hadith qui est dans « Al-Arba'un al-Nawawiyya » c'est le hadith qui dit yani, « Allah subhanahu wa ta'ala amara bi ashya faf'aluha » Attends, il dit وَحَرَّمَ أَشْيَاء فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاء رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرُ نِسْيَانٍ. Il s'est tu à propos de certaines choses pas par, et non pas par oubli, par miséricorde pour vous, pas par oubli. فَلَا تَسْأَلُ عَنْهَا. C'était ça, فَلَا تَسْأَلُ عَنْهَا أَوْ كَمَا قَالَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc c'est pour dire Allah subhanahu wa ta'ala s'est tu à propos de certaines choses par miséricorde pour vous et non pas par oubli. وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَحَمْتُ اللَّهُ. Alors yani, ne demandez pas à leur sujet. Ok, c'était dans l'explication aussi, c'était mentionné dans l'explication du verset لا تسألوا عن أشياء وعليكم السلام ورحمة الله لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. Donc c'est-à-dire ne posez pas des questions à propos de choses que si elles vous étaient divulguées elles vont vous faire du mal, hein? Et si vous demandez à leur sujet alors que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées et Allah vous en a épargné. Donc c'est des exemples à propos de ça. Je n'ai pas le Arba'un Nawawi avec moi, mais si vous le trouvez là, vous pouvez chercher avec vos téléphones intelligents. Donc si vous le trouvez là, dites-nous le texte, comme ça on peut corriger notre oubli. Et non, donc c'est ça. Les ulama ils disent sifatun fi'liya ou sifatun zatiya. Donc al-kalam sifatun zatiya. Les ulama ils disent qu'elle est une sifa qui est zatiya, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a toujours eu l'attribut de la parole. Mais fi'liya parce qu'il parle quand il veut. Parle quand il veut. Et à qui il veut. Comme il veut. Et non, donc c'est une sifa fi'liya aussi, comme al-istiwa sifa fi'liya, comme al-khalq sifatun fi'liya, al-khalq c'est zatiya et fi'liya. Toutes les sifats qui sont fi'liya sont zatiya aussi, mais elles sont reliées à la volonté. C'est ça la différence. Ok, al-su'al wa yabqa wajhu rabbika فأجاب يعني ذاته سبحانه وتعالى. Tu l'as trouvé, أخي؟ بارك الله فيك. C'est ça, le hadith عن أبي ثعلبة الخشني. C'est le hadith 30 dans الأربعون, dans les 40 hadiths de l'imam النووي. Il dit عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. Donc Allah a ordonné des choses qui sont obligatoires, alors ne les gaspillez pas. وحد حدودا فلا تعتدوها. Il a mis des limites, alors ne les transgressez pas. وحرم أشياء فَلَا تَنْتَهِكُوهَا. Donc il a rendu des choses sacrées, haram, alors ne passez pas par-dessus, ne prenez pas ces choses-là. وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُ عَنْهَا. Et il s'est tu à propos de certaines choses par miséricorde pour vous et non par oubli. Alors ne cherchez pas à leur sujet. C'est ça. La tudayyi'uha, il dit, ay la tuhammiluha fatadi'a. C'est-à-dire, ne les négligez pas. Il n'y en a pour pas qu'elles soient perdues, mais préservées. Respectez-les. C'est ça. فلا تنتهكوها فلا تفعلوها. وسكت عن أشياء. سكت عن أشياء لم يحرمها ولم يفردها. Donc il s'est tu dans le sens qu'il n'a rien dit à leur sujet. بمعنى لم يقول فيها شيئا. Il l'a pas rendu obligatoire et il ne l'a pas interdit. Donc غير نسيان. يعني il mentionne le verset. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. C'est-à-dire ton Seigneur, il n'oublie pas. Dans le verset 64, dans Sourate Maryam. C'est ça. بارك الله فيك. C'est ça. طيب. Donc il dit وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ يَعْنِي ذَاتُهُ سُبْحَانَهُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ عُبِّرَ بِالْوَجْهِ لأنه الأشرف هو الأشرف والمقصود أنه يبقى بوجهه الكريم صفة الوجه مع بقائه سبحانه وعبر بالوجه لأنه الصفة العظيمة ولهذا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وكل شيء هالك كل شيء هالك إلا وجهه يعني هو بوجهه وذاته جميعا ليس بالوجه وحده عبر بالوجه عن الذات كلها لأنه موصوف بوجه سبحانه وتعالى وهذه هي طريقة العرب ويبقى وجه فلان يعني كل فلان وليس الوجه فقط والباقي معدوم يعني كله. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit son visage va demeurer, ça ne veut pas dire juste son visage et le reste ne va pas demeurer, non. Ça veut dire Allah, hein, tout Allah subhanahu wa ta'ala, son être au complet, pas seulement son visage. Mais il mentionne son visage parce que c'est le visage, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus noble dans une personne. Qu'est-ce qu'il y a de plus noble dans une personne, c'est son visage. Et donc, quand il dit que son visage va demeurer, ça veut dire qu'il va demeurer, son être au complet va demeurer. C'est ça que ça veut dire. Pas comme les gens de Bid'a, qu'est-ce qu'ils prétendent. Et donc, eux, parfois, ils disent, bon, vous voyez, vous dites que le visage, ça veut dire que tout son être va demeurer. Donc, ça veut dire que le visage, c'est l'être au complet. Et nous, on dit, le visage, c'est pas l'être au complet. Le visage, c'est l'attribut d'Allah qui est le visage. Le visage, c'est le visage. Mais, quand on affirme que le visage va demeurer, ça implique que le reste va demeurer aussi. Mais c'est pas pour nier que Allah a un visage, comme eux ils vont dire, puisque le visage c'est l'être en entier, donc ça implique que Allah n'a pas de visage. Nous on dit non, ça implique pas qu'Allah n'a pas un visage. Il a un visage, mais ça implique que si le visage reste, tout le reste va rester aussi, pas seulement le visage. Vous voyez comment il joue avec les versets d'Allah, Allah al-Musta'an. C'est pour ça que c'est dangereux de ne pas bien comprendre la aqidah et de ne pas bien comprendre la question des noms et des attributs d'Allah, parce que eux, les gens de bid'ah, ils ont des choubouhats comme ça. C'est des petites choubouhats qu'ils utilisent pour essayer de te faire mélanger dans ta compréhension de l'islam et des noms et des attributs d'Allah. Mais si tu as une bonne connaissance et des bonnes bases, tu vas être capable de réfuter ces choubouhats-là très facilement. Donc ça, c'est par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ? Il dit « فَهُوَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَهُ وَجْهٌ وَنَفْسٌ لَهُ وَجْهٌ وَنَفْسٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ » والآخر الباقي نعم نويتي ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه ويسمع ويرى ويتكلم الأول لا شيء قبله والآخر الباقي إلى غير نهاية والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده والظاهر العالي فوق كل شيء والباطن بطن علمه بخلقه فقال وهو بكل شيء عليم حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وذكر أحاديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصف بها نبيه وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم تره العيون فتحده كيف هو لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان انتهى كلامه رحمه الله. Donc ça c'est la fin de la citation de l'imam Ibn Abi Zamanain. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala est la lumière des cieux et de la terre, comme il l'a mentionné à propos de sa personne. Et il a un visage et il a une personne. Il a un visage et il a une personne, c'est-à-dire il a un être. Lahu nafs. Et wa ghayru dhalika mimma wasafa bihi nafsa. Et ainsi que toutes les autres choses par lesquelles il a décrit sa personne. Il entend, il voit, il parle. Il est le premier, il n'y a rien avant lui. Et il est le dernier, celui qui demeure éternellement. Et il n'y a rien, il n'a pas de fin. Et il n'y a rien qui va arriver après lui. Il n'y a rien après lui. Parce qu'il est éternel, il n'a pas de fin. وَالظَّاهِرُ الْعَالِي فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ Il est الظَّاهِرُ الظاهر, c'est celui qui est au-dessus de tout. Celui qui est au-dessus de tout et a rien au-dessus de lui. والباطن, c'est-à-dire sa science, elle est proche de toutes ses créatures. Il a sa science est proche de toutes ses créatures. الباطن, c'est par opposition à الظاهر. الظاهر, c'est celui qui est au-dessus de tout, qui est très haut. Et الباطن, c'est celui qui est très près. Qui est très proche de ces créatures par sa science. Par sa science, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, al-awwal wal-akhir, c'est la dimension par rapport au temps, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est le premier, il n'y a rien avant lui. Et il est le dernier, il n'y a rien après lui. Il est l'éternel, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et sur le plan de l'espace, il est le plus haut, celui qui est au-dessus de tout. Il n'y a rien au-dessus de lui et il est le plus proche du fait qu'il n'y a rien qui est plus près que lui de ses créatures mais par sa science Allah subhanahu wa ta'ala et comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid il est plus proche de lui que sa veine jugulaire est-ce que quelque chose peut être plus proche de toi que ta veine jugulaire elle est à l'intérieur de toi mais Allah subhanahu wa ta'ala est plus proche de toi que ça par sa science et وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ il est plus proche de lui que il est plus proche de vous que lui que il est plus proche de lui que vous de la personne lorsqu'elle meurt quand les gens sont autour de lui Allah est plus proche de vous que lui plus près de lui que vous par sa science. Il dit ensuite le Cheikh wa huwa bi kulli shay'in alim et il a la science et la connaissance de toutes choses. Le verset 29 dans sourate Al-Baqarah. Hayyun qayyum, il est vivant et il est qayyum. Dans le sens que qayyum, yani il se suffit à lui-même, il n'a besoin de rien et tout a besoin de lui. Tout a besoin de lui. Rabbuna alladhi wasafa biha nafsuhu. Non, il dit, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, il n'est pas touché par la fatigue, ni par la somnolence, ni par le sommeil. Et il a mentionné ensuite, l'imam Ibn Abi Zamanin, ensuite il mentionne des hadiths qui parlent des attributs d'Allah, puis ensuite il dit, ça c'est les attributs de notre Seigneur. Donc Ibn Taymiyyah, il n'a pas cité les hadiths, il a cité juste les versets, puis après il dit, ceci c'est les attributs de notre Seigneur, par lesquels il s'est décrit lui-même dans son livre, et ses attributs par lesquels son prophète l'a décrit. Et il n'y a pas en cela, hein, il n'y a pas en cela de limite ou de ressemblance ou de mesure. Dans le sens que on n'essaye pas d'imaginer Allah, de savoir le comment ou de faire des comparaisons entre le Créateur et la créature ou de déformer le sens des attributs d'Allah. Et il mentionne le verset à ce sujet, « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir », c'est-à-dire, il n'y a rien qui soit comparable à lui ou qui soit comme lui. Et il est l'audient et le voyant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il entend tout et il voit tout. Le verset 11 dans Sourate Shura. « Wa lam tarahu al-uyun ». Donc, les yeux ne l'ont jamais vu. C'est-à-dire, les yeux des créatures dans ce monde, ils ne l'ont jamais vu dans cette vie. Mais il a été vu par les cœurs à propos de la réalité, par rapport à la réalité de la foi, ou dans la réalité de la foi. Donc, c'est-à-dire, on a vu Allah subhanahu wa ta'ala dans la réalité de la foi par notre cœur, par rapport à qu'est-ce qu'il a mentionné à son sujet dans la révélation. Hein? Ok, donc ça c'est la fin, ça c'est la fin de la citation. Attends, laissez-moi voir si. Ah, c'était pas cher. Alors, Zaymin, ok, masha'Allah. Ah, ben c'est comme ça, hein. L'être humain, sa mémoire, elle lui fait défaut parfois. Bon, on est rendu. Ok, on a lu ça. Ok. هذا من كلام علي رضي الله عنه. قيل له أتؤمن ولم ترى ربك؟ قال إن لم تره العيون فقد رأته القلوب بحقائق الإيمان. الصفات عن الله. Donc c'est ça. La parole qu'il dit à la fin, là, que Ibn Abi Zamanin a dit à la fin, c'est-à-dire les yeux ne l'ont pas vu, et donc ils ne peuvent pas lui donner des descriptions, des délimitations pour savoir comment il est. Mais les cœurs l'ont vu selon la réalité de la foi. Il dit que ça c'est la parole de Ali, radiallahu anhu. On lui a demandé, comment peux-tu croire en ton Seigneur que tu n'as pas vu? Il a dit, si les yeux ne l'ont pas vu, les cœurs l'ont vu par les réalités de la foi. Hein? C'est ça, par les réalités de la foi. Donc, on ne voit pas Allah, subhanahu wa ta'ala, et on ne l'a jamais vu. Mais la réalité de la foi nous fait savoir qu'il existe. Hein? Il nous donne cette conviction-là. Et en plus, on a la fitra. On sait tous que Allah existe. Donc il termine la parole, Ibn Taymiyyah. Ah oui. Exactement. Exactement. Si tout le monde voyait Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y aurait plus personne qui aurait un doute sur l'existence de Dieu et sur la foi. Exactement. Sans le voir, c'est ça qu'il a dit. Exactement. الذين يؤمنون بالغيب هنا والذين هنا c'est vrai, c'est le test, c'est de croire en Allah sans l'avoir vu. الذين يخشون ربهم بالغيب. Donc c'est ça, il faut croire en Allah sans l'avoir vu. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il termine ça en disant, وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم. Donc il dit la parole des imams dans ce domaine, dans cette question des noms et des attributs d'Allah est beaucoup plus vaste et beaucoup plus nombreuse que cette fatwa nous permettrait de l'expliquer. Même pas un dixième, on a même pas mentionné un dixième de ces paroles-là dans cette fatwa, c'est-à-dire fatwa al-Hamawiyya. Et de même que si on mentionnait les paroles de ceux qui ont transmis les positions de ces imams-là, on aurait pu encore rajouter. Hein. Donc, c'est pour dire que, c'est comme pour dire que là maintenant, il a mentionné les paroles des imams des salafs et qu'il a juste mentionné juste une petite portion de ces paroles-là. Maintenant, il va pas continuer à mentionner des paroles, mais des paroles de certains ulama qui sont venus un peu plus tard, par la suite, puis que parfois même dans leurs paroles à ces imams-là, tu peux trouver certaines choses qui sont fausses ou qui sont pas correctes, ou que même ils ont des erreurs dans certaines questions, mais qui, dans certaines de leurs paroles, ont mentionné des choses qui sont en accord avec la position des salafs de façon générale, mais il les a cités, Cheikh al-Islam, pour établir la preuve contre les gens de Bid'ah, qui eux se réfèrent à ces savants-là. Pour dire, vous dites que vous référez à des savants, à ces savants-là, et bien regardez, même eux, ils ont été d'accord avec les salafs dans certaines de leurs paroles. Et voici des exemples. Donc il va citer maintenant des paroles de ulama qui sont venus par la suite, et certains sont des ulama d'Ahl Sunnah, certains sont des gens qui ont été parfois, qui ont eu des erreurs ou qui ont des problèmes dans certaines questions, mais qui citent des choses qui sont en accord avec le madhab des salafs. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a écrit ce livre-là pour établir la preuve contre les Asha'ira et les gens de Bid'ah qui nient les attributs d'Allah. Donc il cite même parfois certains de leurs chouyours que eux ils respectent pour les amener à revenir à la foi des salafs. Ok. Et donc juste on va lire une explication par rapport à al-butun, ou le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il est al-batin. Donc il mentionne Cheikh Salih al-Sheikh à propos de la qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure quand l'imam Ibn Abi Zamanin a dit wa huwa al-batin laysa yani wa huwa al-batin batuna ilmuhu bi khalqihi. Donc on va voir les commentaires à ce sujet. Non. Donc il dit kamalun ma'a al-ulu al-butun كمال مع العلو الله جل وعلا قال هو الأول فليس فوق ذاته ذات وهو جل وعلا مستو على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته وكذلك هو الظاهر فوق كل شيء بصفاته سبحانه كما فسرها عليه الصلاة والسلام. أما البطون فإنه يفسر ببطون العلم وبطون الإحاطة والقدرة فالبطون بطون الصفات لا بطون ذات. ومن قال إن البطون بطون ذات فهذا يناقض أنه جل وعلا ظاهر فليس فوقه شيء وهو قول الأشاعرة والحلولية الذين قالوا إن الله في كل مكان إما من جهة الحلول أو من جهة الوحدة أو من جهة عدم التميز. فإذا البطون كلمة الباطن فليس دونه شيء. السلف يفسرونها ببطون الصفات وهو أن الله جل وعلا أقرب لأحدنا من حبل الوريد وأقرب إلينا من عنق الراحلة. نعم من عنق الراحلة. وأقرب إلينا من أي شيء بصفاته سبحانه لأن القرب قرب العلم فهذا هو المراد بالبطون. فهنا قال باطن علمه وهذا التفسير صحيح يوافق تفاسير السلف للباطن. Donc il explique ici que Al-Butun, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il est Al-Batin, c'est une perfection avec le fait qu'il soit au-dessus de sa création. Allah Jalla wa Ala, il est le premier. Il n'y a personne qui est avant lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création. Il n'y a rien au-dessus de lui. Il est au-dessus de son trône, d'une élévation qui lui convient, qui convient à sa majesté et à sa grandeur. De même qu'il est al-dhahir, c'est-à-dire qu'il n'y a rien au-dessus de lui. Et tout ça, c'est des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interprété, il l'a expliqué lui-même dans le dua. Anta al-awwal falaysa qablaka shay. Anta al-akhir falaysa ba'daka shay. Wa anta al-zahir laysa fawqaka shay. Wa anta al-batin laysa dunaka shay. Donc ça, c'est l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que al-butun c'est interprété par la science. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala enveloppe toute chose de sa science et de sa puissance. Et c'est le fait qu'il est proche de ses créatures. Donc ça fait partie de ses attributs. Du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche de ses créatures par sa science. Et il dit, et non pas qu'il est proche de ses créatures dans le sens de sa personne, de son être, comme si en voulant dire que lui, il est avec sa création par son être. Comme le disent les gens des Asha'ira ou les Hululiya qui disent que Allah est partout, ou qui essaient de prétendre que Allah rentre dans sa création ou fait un avec sa création, ou qu'il ne se distingue pas de sa création. Ça, c'est comme les gens de Hulul, les gens de Wahdatul Wujud, comme si en voulant dire que les Al-Hululiya, ceux qui pensent que Allah subhanahu wa ta'ala, il se mélange ou il fait un avec ses créatures. Il se mélange avec certaines créatures, devient un avec eux. Ça, il y a des soufis qui croient à ça. Ça, c'est de l'égarement, c'est du shirk. Comme les chrétiens, par exemple, qui disent que Jésus était l'incarnation de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est rentré en Jésus, qu'il est devenu un avec Dieu, qu'il faisait un avec lui. Et certains aussi parmi les soufis qui pensent que quand un homme atteint un niveau de foi et de piété tellement grande qu'il devient un avec Allah. Et ça, c'est dans la croyance de la plupart des turcs soufis, la croyance en Al-Hulul et la croyance en Wahdatul Wujud qui est encore pire. De croire que tout ce qui existe est Allah et que Allah est tout, dans le sens qu'il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature, ou que le créateur est le créateur. Pour eux, c'est la même chose. Tout est Allah et Allah est tout. Le créateur et la créature, c'est la même chose pour eux. Et que si tu vois une différence entre les deux, ça veut dire que tu es un mouchrik, parce que tu as cru en, comme s'ils disent, nous on croit en l'unité de l'existence et de la création. Donc on est sur le tawhid parce qu'on a unifié tout, Allah et sa création ensemble. Et nous on dit non, ça c'est pas le tawhid, ça c'est shirk. Parce que en faisant ça, tu as nié même l'existence d'Allah, l'existence distincte d'Allah. Il n'existe plus selon cette interprétation-là. Et même que les bouddhistes, c'est ça leur notion. Les bouddhistes et les athées, ils ont fait de la création et du créateur quelque chose d'indistinct, c'est-à-dire quelque chose que tu ne peux plus distinguer. Tu ne peux plus distinguer qui est créature, qui est créateur. Donc ça veut dire que tu as nié le créateur et son existence distincte. Et donc c'est une forme d'athéisme, une forme d'athéisme. Et ça équivaut à nier même l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est du kufr et c'est du shirk. Et c'est pour ça que nous on dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche de ses créatures par sa science. Okay? Du fait qu'il les voit, il les entend et il sait tout à leur sujet. Et donc c'est ça ce que les salafs ont donné comme interprétation pour le terme al-batin, qu'il n'y a rien de plus proche que lui. il est plus proche que l'un de nous de sa veine jugulaire. Et il est plus proche de nous que le coup de sa monture, de son cheval par exemple, ou de son chameau. Lorsque tu es agrippé au coup du cheval ou du chameau, ben, il est plus proche de toi, il est plus proche de nous que ça. Et il est plus proche de nous que toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le qurb al-ilm. Donc il est proche par sa science, et c'est ça qu'on veut dire par le fait qu'il est proche, et c'est ça ce que l'imam Ibn Abi Zamanin a donné comme interprétation, batuna l'ilm wa hadha at-tafsir sahih. Cette explication, c'est elle qui est correcte, et elle est en accord avec l'explication des salafs. Il dit فإذا قوله جل وعلا والظاهر والباطن تفسيره عليه الصلاة والسلام بقوله أنت الباطن فليس دونك شيء ليس دونك شيء يعني أن الله جل وعلا أقرب الأشياء إلى العبد أقرب الأشياء إلى المخلوق من جهة قرب صفاته سبحانه وتعالى فليس دونه شيء بل هو أقرب ما يكون وأقرب حتى من النفس جل وعلا لعلمه ما يدور في خلقه وإحاطته التامة والله بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. Donc il dit, c'est ça que ça, qu'est-ce qu'on a dit, c'est le cheikh, il le répète comme qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, comme le prophète l'a expliqué, qu'il n'y a rien de plus proche que Allah subhanahu wa ta'ala, et il est plus proche de la création que la création elle-même. Même il est plus proche de toi que ton âme même, subhanallah. Parce que même tout ce que tu te dis en toi-même, dans ton cœur, dans ton âme, qu'est-ce que tu penses, il le sait et il l'entend. Hein? Donc ça veut dire que il est plus proche de toi que toi-même. Il te connaît mieux que tu te connais toi-même. Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux rien lui cacher. Toutes tes pensées, toutes tes réflexions, toutes tes idées, tout ce que tu peux avoir comme suggestion de ton âme, Allah subhanahu wa ta'ala, il le connaît, il le sait. Subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Au prochain cours, on continuera avec la suite. Et là, le cheikh, il va citer la parole de Sulayman al-Khattabi, l'imam Abu Sulayman al-Khattabi. Et ensuite, il y a les paroles de l'imam Abu Bakr al-Khatib, Khatib al-Baghdadi, et puis il y a d'autres, Abu Nu'aym Sahib al-Hilya, Abu Nu'aym al-Asfahani, et ainsi de suite. Donc il continue après les paroles de l'imam al-Khalal, les paroles de l'imam Ibn al-Makki, et ensuite al-Muhasibi. Donc vous voyez, il y a toutes sortes de différentes personnes, certains qui sont sur la sunna, qui sont salafis, et d'autres qui ont des erreurs et des égarements, mais qui ont dit des choses qui sont parfois en accord avec la sunna. Puis après il va citer les paroles de l'imam ou du cheikh Ibn Khafif, et Ibn Khafif, je pense qu'il va être très long dans la citation de Ibn Khafif, si je me souviens, surtout quand j'écoutais le charh. Des fois, quand il citait Ibn Khafif, je me demandais est-ce qu'il allait finir un jour, rien. Tellement il a cité une citation longue. Et donc, après, c'est Al-Jayli. Al-Imam Abu Muhammad Abdul Qadir Ibn Abi Salih Al-Jayli. Ou Al-Jayli. Et donc, il y a beaucoup de pages. Ouais. Tout ça, c'est les paroles de Ibn Khafif. Donc Ibn Khafif, ça dure un peu plus longtemps. Ça, c'est le livre Al-Fatwa al-Hamawiyya sans le charh. Et ça c'est aussi sans le charh, mais avec le tahqiq. Donc il est plus gros que tous les autres. Ça c'est Al-Fatwa al-Hamawiyya avec le tahqiq. Vous voyez la différence? C'est les deux, c'est le même livre. Mais lui, il y a l'introduction. Et l'introduction, elle termine ici. C'est-à-dire, tout ça, c'est l'introduction, ça, c'est le livre lui-même. Puis après, le reste, c'est le livre. Et le livre, il termine ici. Vous voyez, ça, c'est les tables des matières à la fin. Donc, si tu prends le livre tout seul, il arrête ici. Donc, le livre, dans tout le livre, il y a ça du livre. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de notes de bas de page, parce que c'est des études, en fait, qui sont marquées en notes de bas de page pour expliquer. Puis ça, c'est le texte brut. C'est-à-dire, il n'y a rien. Il n'y a même pas de commentaires, pas de notes de bas de page, rien. Donc, c'est que le livre de Cheikh al-Islam. D'accord ? Donc, c'est le livre en question. Ça, c'est une autre édition de Sharh al-Fatwa al-Hamawiyya. Il y a deux Sharh dedans. Et celui de Cheikh Abdelaziz al-Rajihi et celui de Cheikh Cheikh Salih al-Sheikh. Et celui-là, c'est le Sharh de Cheikh Ibn Baz. Tu vois ? Et lui, il est un peu plus résumé. Ce charh, il n'est pas détaillé, mais il y a des points vraiment bénéfiques dedans. Des explications très intéressantes. Et puis au début, j'avais celui de Cheikh Salih al-Fawzan, mais il n'a que expliqué l'introduction. C'est-à-dire, il a expliqué l'introduction, je pense, jusqu'au cours. En tout cas, juste l'introduction. Pourquoi ? Parce que l'introduction, il n'y a pas de citation dans l'introduction beaucoup. L'introduction, c'est plus des règles. L'explication des principes de Ahl-Sunnah. Donc il s'est limité à expliquer ça seulement. Et le reste, il ne l'a pas expliqué. Parce que c'est des choses qui sont... Si tu as compris la base, le reste, tout ça, tu vas le comprendre facilement. Mais les citations, c'est intéressant parce que ça aide à voir qu'il y a plein d'imams qui ont dit ça, ces mêmes paroles-là. Hein, et qui l'ont expliqué. Donc on va continuer inshallah la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وفيك بركه.